magazine de l'archéologie de France Culture se penche ce soir sur une des œuvres majeures de l'art paléolithique, celle-là même découverte en septembre 1940 au cœur de la grotte de Lascaux. Il faut dire que cette peinture est la plus troublante de la préhistoire, puisqu'elle semble, une fois n'est pas coutume, nous raconter une histoire dont nous pourrions presque comprendre le sens. Parmi bien d'autres, Georges Bataille l'évoquera à maintes reprises, puisque pour lui, elle est de lecture facile et que l'homme du puits de la caverne de Lascaux est tout à la fois une des premières figurations connues de l'être humain, l'une des plus significatives. Parce qu'elle est vraiment étonnante, cette peinture, dénommée la scène du puits, a fait couler beaucoup d'encre depuis sa découverte en 1940 et déjà en 2022. Plusieurs livres ou articles la commentent à nouveau. Nichée au plus profond de Lascaux, cette peinture a tellement suscité d'intérêt que Jean-Loïc Lequellec vient pour elle seule de lui consacrer un ouvrage. Jean-Loïc Lequellec, bonsoir. Bonsoir. Préhistorien, directeur de recherche émérite au CNRS, vous êtes tout à la fois un incontournable spécialiste de l'art préhistorique, comme de la mythologie et de la cosmogonie. Vous venez de faire paraître la troisième version de L'homme de Lascaux et l'énigme du puits, paru chez Totem. Mais revenons sur cette peinture. Au cœur de Lascaux, où se trouve-t-elle exactement ? Eh bien, elle est surnommée la scène du puits. Donc, elle se trouve dans ce qu'on appelle le puits. Mais où se trouve le puits ? C'est ça. Qu'est-ce que c'est que ce puits ? Disons que c'est une sorte de tunnel vertical. Faut pas imaginer un puits avec une margelle, hein, du tout. Et déjà, dès le départ, avec ce puits, on touche à quelque chose d'assez incertain, un petit peu mystérieux. Il y a beaucoup d'incertitudes dans cette grotte et dans l'art préhistorique en général. Mais là, tout de suite, avec le puits lui-même, la localisation elle-même, on a une incertitude qui est que c'est un endroit très difficile d'accès, dangereux. Les premiers explorateurs ont eu beaucoup de mal, ont été obligés d'élargir le passage, descendre avec une corde. C'était très compliqué, ça paraît un petit peu bizarre. Et certains préhistoriens spécialistes de la grotte, comme Norbert Oujoula, par exemple, pensaient que, possiblement, il y avait un autre accès et que cet endroit serait l'autre extrémité d'une seconde grotte, avec une petite ouverture entre les deux. Ce qui n'est pas prouvé, mais ce qui pourrait expliquer certains détails. En tout cas, elle est tout au fond. Elle est tout au fond de la grotte actuelle. La peinture est mystérieuse, on l'a déjà dit, mais s'agit-il réellement d'une peinture ? Alors c'est pareil, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une peinture ? Comment définit-on une peinture ? Si on regarde l'homme du puits de Lascaux, l'homme c'est plutôt un dessin en réalité, c'est un tracé. C'est pas parce qu'on utilise un pinceau et un colorant dilué, etc., qu'on fait de la peinture. Et c'est de la bonne peinture. Voilà. Donc voilà, c'est plutôt un dessin. Et quand on regarde l'ensemble de ce qu'on appelle la scène du puits, quand on regarde les images qui composent, qui sont là, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas toutes réalisées avec la même technique. Et donc, appeler ça une peinture, ça paraît un petit peu risqué. Jean-Luc Lequellec, que voit-on exactement ? Un bison, un homme, deux ou trois objets énigmatiques et un peu plus loin, un rhinocéros, c'est bien ça ? Oui. Plus une petite série de points, tout à fait comparable à une autre série de points tout à fait semblables qu'on retrouve à un autre endroit de la grotte, dans ce qu'on appelle le diverticule des félins. A priori, apparemment, quand on regarde cette scène, c'est ce qu'on voit. Et c'est ce qui a été très abondamment commenté. Isoler ou regrouper les animaux, comme l'ensemble des représentations issues de nos grottes préhistoriques françaises, ne représente jamais des scènes. Serions-nous devant une exception ? Alors effectivement, les scènes sont rarissimes dans l'art préhistorique, dans l'art des cavernes en tout cas. C'est pas vrai pour l'art rupestre en général. Il y a d'autres endroits dans le monde où on a beaucoup de scènes, au contraire. Et vraiment, scènes de chasse, scènes de guerre, formidables. Voilà, des gens qui boivent la bière ensemble, etc. Vraiment, il y a des choses extraordinaires. Et là, il n'y a aucune discussion possible. C'est bien de scènes dont il s'agit. Pour cette image, on a appelé cet ensemble scène parce que, au même endroit, on a un personnage, un homme, on a ce bison, on a ce rhinocéros, cet oiseau apparemment posé sur un bâton, quelques autres petits détails, et rien à droite, rien à gauche, si je peux dire, a priori. Donc, notre regard embrasse tout ça d'un seul coup, et c'est un peu automatique dans notre esprit de considérer ça comme une scène. Mais est-ce qu'on en est bien sûr ? C'est pas parce que les images sont juxtaposées qu'il s'agit bien d'une scène. J'ai lu, il y a pas très longtemps, un commentaire sur cet ensemble de la scène du puits qui dit « Ah, contrairement à ce qu'on voit d'habitude, ce ne sont pas des images juxtaposées, il s'agit bien d'une scène. » Mais justement, il s'agit d'une scène composée d'images juxtaposées. Donc comment on fait la différence entre une scène et des images juxtaposées ? Pour qu'il y ait scène, en fait, il faut qu'il y ait une intention. C'est ça ce qui est très difficile à démontrer. L'intention de représenter quelque chose, un événement. Beaucoup de préhistoriens, y compris très célèbres comme la Débreuille, ont essayé de reconstituer l'événement dont témoignerait cette image, qui décrirait donc une scène. Mais c'est très loin d'être prouvé. Alors reprenons un à un les éléments. Tout d'abord l'homme, raide et peut-être incliné. Oui, alors plus ou moins incliné, je dirais, parce que ça dépend un peu comment on le regarde. Quand on compare les photographies qui ont été publiées, on le voit sur le dos, apparemment, soit mort, soit endormi, soit, bon, en tout cas allongé. Ou alors on le voit oblique, quelque chose comme 30-40 degrés, penché de manière très bizarre. Ou bien on le voit vertical, en train de bomber le torse, ça dépend des publications. Et dans les textes qui commentent, on a des commentaires qui nous disent « l'homme est mort, gisant, face au bison qui l'a sans doute terrassé, bon. » Et puis d'autres qui nous disent « il est en pleine agitation ». Alors, tout de suite, on voit bien que cette prétendue scène est plutôt le prétexte à des projections de la part des personnes actuellement qui l'observent que de véritables descriptions. Le personnage est en tout cas extrêmement rigide. Il est dessiné d'un trait pas du tout souple. Les jambes sont rectilignes. Il y a beaucoup de traits tout à fait droits, y compris son sexe, d'ailleurs. Il a une tête d'oiseau. Et il a ce qui ressemble à une tête d'oiseau. Est-ce que c'est bien une tête d'oiseau ? Même ça, c'est difficile à savoir. Mais il a une tête qui ressemble beaucoup à l'oiseau sur son piquet, juste à côté. L'homme peut-il être tout simplement un chaman ? Cela serait sans doute une des explications les plus simples. Alors, ça a été dit maintes et maintes fois, depuis longtemps d'ailleurs, hein. C'est pas du tout une explication récente, hein. Pourquoi on a donné cette explication ? Parce que justement, il a une tête qui n'a pas l'air très humaine, qui peut être une tête humaine animalisée ou une tête d'animal, peut être une tête d'oiseau, c'est quand même assez difficile à dire. Et donc, il y a toujours cette idée que ce serait un chaman en transformation, un chaman en train de se changer en animal pour aller dans l'autre monde, pour faire je ne sais quoi. En tout cas, qui ce serait un humain en train de se transformer. Donc un chaman. Et en plus, on a dit, oui, mais regardez, ses doigts, les mains aux doigts écartés ne sont pas du tout naturaliste, il n'a pas du tout cinq doigts, et ça a été aussi donné comme argument pour renforcer l'idée que ce serait un être surnaturel. Alors, je reprendrai les mots de Josette Laming-Empereur en 1955, très grande chercheuse. Ni l'idée d'une divination, ni celle d'aucune sorte d'être surnaturel ne peut correspondre à ce personnage par force, puisqu'il est mort. Il est mort. Mais comment sait-on qu'il est mort ? Alors, un des éléments de discussion qui a été introduit, effectivement, il a l'air mort si on tient compte du fait qu'il est allongé et qu'il semble présenter une rigidité qu'on peut dire cadavérique, si on veut. Mais en même temps, il a un sexe dressé, il est ityphalique, ce que disent l'appellation. En érection. En érection, voilà. Donc, un mort en érection, c'est quand même un petit peu contradictoire. Donc, comment savoir s'il est vraiment mort ? S'il est en train de rêver, il est simplement endormi, et il a un rêve. Et on sait que certains rêves s'accompagnent d'une érection chez les hommes. Est-ce que c'est ça qui est décrit ? Comment le savoir ? Il y a beaucoup, beaucoup de lectures et beaucoup d'interprétations. La question qui reste toujours pendante, c'est comment savoir si c'est la bonne ? Voyons le bison. Le bison, il a l'air vraiment furieux. Ben oui, parce que s'il a les tripes à l'air, on comprend qu'il ne soit pas très content. Alors, c'est une des lectures qui a été faite, effectivement, le bison dans le bas-ventre, il y a toute une sorte de tracé qu'on a interprété comme les tripes qui s'échappe de son ventre. Il aurait été blessé. Il y a un trait oblique qui a été interprété comme une sagaie. Et donc, il aurait été transpercé. Il perd ses tripes. Et donc, il n'est pas content du tout. Évidemment, il est en train d'agoniser. Mais une autre lecture du même détail a considéré que c'était pas des tripes, mais en fait, une vulve schématisée. Donc, une fois de plus, on est en pleine incertitude. Comment savoir si c'est tel préhistorien qui a vu là un bison en train d'agoniser, peut-être en perdant ses tripes. D'autres ont vu un bison marqué d'un signe féminin qui serait un signe vulvaire. Comment savoir? En tout cas, ce qui est certain, c'est que une des explications qui a été donnée, qui est de dire le bison a été blessé par l'homme qui lui a lancé sa sagaie, et le bison perd ses tripes, et il est très en colère, et donc il a chargé l'homme, et il a terrassé l'homme qui se trouve mort allongé. Cette histoire-là ne peut pas tenir, parce que on sait par l'éthologie, les éthologues nous apprennent, que les bisons blessés ne chargent pas. Et on le voit mal, en plus, chargé en marchant sur ses propres tripes. Parce que l'homme est en érection, le bison se doit forcément d'être femelle. Nombre d'intellectuels voient alors les prémices d'un acte sexuel. Oui, alors en fait, ce type d'interprétation nous emmène dans un autre type de regard sur l'art préhistorique et sur les images préhistoriques. Il y a des lectures littérales qui considèrent que c'est tout simplement la description d'une scène réelle, une scène de chasse, un accident de chasse. L'abbé Breuil était persuadé qu'il s'agissait de la description pure et simple d'un accident de chasse mémorable. Et il pensait même que le chasseur devait être enterré au pied de l'image. Il a fait une fouille pour vérifier. Non, il n'y avait pas de chasseur au pied. Mais ça, c'est une description que je dirais littérale des images. On pense que ces images sont simplement le rappel d'un événement réel. Bon. Mais il y a aussi des interprétations symboliques. Le bison, d'accord, c'est un bison, mais c'est pas un bison. Le chasseur, c'est un chasseur, mais c'est pas vraiment un chasseur. La lance, c'est une lance ou une sagaie, mais c'est pas vraiment ça. Ce serait plutôt un symbole sexuel. Les tripes du bison, c'est pas vraiment des tripes de bison, c'est un symbole féminin. Et donc, il y a une interprétation au deuxième degré, si je peux dire, comme ça, une interprétation symbolique qui a été construite, une, et puis deux, et puis trois, parce qu'évidemment, il y a eu beaucoup d'interprétations différentes, empruntant ce chemin qui consiste à dire « Ah, mais cette image est certes une scène, mais ça n'est pas une scène qui nous décrit quelque chose qui s'est réellement passé dans la réalité, c'est une scène qui nous décrit quelque chose qui se passe dans l'imaginaire. » France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Jean-Luc Lequellec, pour continuer sur ce thème, le psychanalyste Alain Roger ne voit pas une, mais bien trois directions du bec, du sexe et des pieds du gisant, de l'homme. Alors, on peut tout voir, c'est vrai. Voilà, moi je pense qu'à un certain moment, on a presque affaire à quelque chose qu'on peut qualifier de délire interprétatif quand même. Mais il y a le droit, c'est-à-dire il y a le droit de faire de la poésie, il y a le droit de rêver sur les images, encore heureux que ce droit existe et que nous l'avons tous, préhistoriens compris, mais si on essaye de faire autre chose, si on essaye de reconstituer une façon d'être au monde ou des mythologies préhistoriques, il faut essayer de trouver des moyens d'opérer une démonstration et de se donner aussi des garde-fous et de ne pas laisser aller l'imagination, la bride sur le cou et voir des érections partout. Justement, et si l'homme, malgré l'évidence, n'était pas en érection? Vous évoquez alors une caractéristique de certaines populations, le pénis rectus, c'est bien ça? Oui, ça, oui. Un grand préhistorien qui s'appelait Léon Pal, qui était aussi anthropologue physique, il a travaillé en Afrique australe et il a remarqué ça, notamment chez les populations qu'on appelle San, qu'on appelait autrefois les Bushman, et qui ont un pénis, les hommes ont au repos, un pénis qui se tient en position horizontale, sans être en érection. Et c'est une caractéristique qu'on trouve chez quelques populations du globe. Alors, je ne dis pas que c'est le cas pour l'homme de Lascaux, mais du fait que cette possibilité existe, il faut la prendre en compte, et peut-être que toutes les élaborations qui ont été publiées autour du sexe en érection de l'homme de Lascaux se trompent de cible, si je peux dire, si il n'est pas en érection, mais qu'il est doté de cette particularité anatomique qui existe chez certains humains. En tout cas, l'abbé Breuil avait trouvé la solution. Il avait carrément gommé le sexe sur son dessin. Voilà, c'est plus simple. Sur la photographie même, il avait carrément une des premières publications, je crois que c'est dans l'illustration, très peu de temps après la découverte. Évidemment, cette scène extraordinaire a tout de suite été publiée. Il y a une magnifique photo qui a été publiée. Et ce qui saute aux yeux, c'est l'absence de sexe qui a été soigneusement gommé sur la photo. Pourquoi ? Par puritanisme ? Probablement par puritanisme. L'abbé Breuil ensuite est revenu sur cette photographie. Alors évidemment, il y a eu tout de suite spéculation. On parlait pas à l'époque de fake news, mais c'est l'esprit qui a été tout de suite donné, puisque d'autres photos ensuite ont été publiées avec le sexe très visible. Et quelqu'un a dit « Ah ! Un petit plaisantin a rajouté un sexe sur la peinture originale. » Et donc Breuil est intervenu pour expliquer que non, dès le début, le sexe était bien là, mais que quelqu'un, on ignore qui, sur la photographie publiée par l'illustration, avait gommé ce sexe. En tout cas, l'abbé Breuil avait quelques problèmes avec le genre. On se souvient bien sûr de la dame blanche en Afrique du Sud, dame blanche qui visiblement n'était pas une dame. Alors il avait des problèmes de vue apparemment, notamment pour certains détails anatomiques, puisque à l'inverse, la dame blanche du Brandberg, une montagne de Namibie, qu'il a longuement étudiée sur place pendant des jours et des jours, et sur laquelle il a publié un livre qui s'appelle « La dame blanche du Brandberg »,« The White Lady of the Brandberg », eh bien, c'est pas une dame, et elle n'est pas blanche, elle a un magnifique pénis, en plus c'est un pénis qui montre une infibulation. Un piercing, on dirait maintenant. Parce que le sexe est omniprésent dans les explications et analyses, d'autres ont pensé trouver deux éléments caractéristiques de rites d'initiation, à savoir la mort et la résurrection à l'état viril. Oui, tout de suite ont été mobilisés, notamment avec Georges Bataille, des grandes conceptions autour de l'opposition vie-mort, la finitude de l'humain. L'image a été interprétée comme le premier témoignage de la prise de conscience par les humains de leur propre finitude. Et beaucoup d'interprétations de ce type ont été avancées, qui sont très ingénieuses. Mais une fois de plus, ce qui manque, c'est comment savoir si c'est la bonne interprétation. Nous pouvons, nous, y voir ce genre de choses, effectivement. Si on considère que l'homme est mort, si on considère que le bison charge, ce qui est en réalité impossible. N'est pas le cas, oui. Bon. Mais si on considère comme ça l'a été, eh bien oui, on peut broder là-dessus et passer à un niveau supérieur et dire c'est le premier témoignage d'une spéculation métaphysique sur la destinée humaine, pauvre de nous, nous allons mourir, voilà, pourquoi pas. En tout cas, une sorte d'oiseau semble perché sur un piquet. Que peut raconter cette figure très énigmatique ? Celle-là, elle est vraiment très énigmatique. Elle est très énigmatique et c'est un unicum aussi. Il n'y a pas d'autre exemple, à ma connaissance, du moins, dans l'art des cavernes, l'art graphique. On l'a rapproché de certains propulseurs qui sont ornés d'un oiseau et comme le bison semble blessé, comme l'ensemble a été interprété comme une scène de chasse, comme un des traits est interprété comme une sagaie, eh bien, cet oiseau sur son piquet, enfin, ce qui ressemble à un oiseau sur un piquet, est interprété comme un propulseur. Orné. La baguette qui sert à lancer la sagaie. Un propulseur, c'est ce petit outil qui sert pour lancer, pour démultiplier le bras du chasseur, pour lancer la sagaie. Et effectivement, il y en a qui ressemblent à ce type d'objet. Et donc, l'homme, en mourant, en étant blessé, en tombant à l'inverse, aurait lâché son propulseur qui se trouverait à côté de lui. Mais une autre interprétation consiste à dire, mais non, c'est juste un piquet ou une branche, un branchat, un petit arbre, avec un oiseau dessus qui attend pour dévorer les tripes du bison agonisant. C'est ce que pensait par exemple André Leroy-Gourhan. Oui, voilà, il y a eu... Une fois de plus, on est toujours dans l'incertitude de l'interprétation. Ces images sont finalement tellement énigmatiques et suscitent, appellent notre interprétation. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'essayer d'y voir quelque chose, même si au fond, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'a aucune idée de ce que ça représente. Une autre idée pour cet oiseau, ça a été aussi de le connecter avec la thèse du chamanisme. Puis si l'homme à côté est un chaman en train de se métamorphoser à tête d'oiseau, eh bien l'oiseau qui est à côté, c'est soit son esprit, son âme ornithomorphe, c'est-à-dire à forme d'oiseau, qui s'apprête à s'envoler et à monter jusqu'au ciel voir les esprits, ou bien c'est un esprit protecteur qui va l'accompagner dans son envol, etc., etc. Reste le dernier élément, le rhinocéros. Appartient-il réellement à cet ensemble ? Georges Bataille reprochait à Kirchner d'admettre l'indépendance du rhinocéros par rapport au reste de la scène. Il a la tête légèrement retournée, il regarde tout ça. Hein. Alors, c'est Kirchner qui avait raison, en fait. C'est ça qui est très intéressant. C'est que, alors, ça nous fait boucler avec le début. Nous regardons cette scène. Donc, nous avons devant nous une paroi et un ensemble d'images. Et nous ne pouvons pas faire autrement que d'y voir une scène. Ça nous semble être une scène. Et il a été dit que peut-être finalement c'est ce rhinocéros qui a tué le bison et qui s'en va, son forfait accompli, et qui quitte la scène en s'éloignant vers la gauche. Sauf que, depuis qu'on sait faire des analyses des pigments et de ce que les préhistoriens appellent les peaux de peinture, c'est-à-dire la composition très précise des peintures qui ont été utilisées pour réaliser les images. Les formules de peinture. Les formules exactes, on peut les refaire actuellement. Hein. Eh bien, on s'est aperçu que ce rhinocéros a été réalisé avec une toute autre formule que les autres images, et que donc, il a été probablement fait par quelqu'un d'autre, ou à un autre moment, en tout cas avec un autre pot de peinture, fabriqué complètement différemment, et donc, il est hautement probable qu'il appartienne pas réellement à la scène. Donc, éliminons le rhinocéros. Mais intervient un trouble fait. Un cheval pourrait être associé à cet ensemble. Voilà. Depuis. Quitte à faire l'étude des pots de peinture, allons jusqu'au bout. Allons-y. On s'est aperçu que le pot de peinture qui a servi pour réaliser le reste de la scène, donc on laisse tomber le rhinocéros, on s'est aperçu que c'est le même qui a servi à dessiner un protomé de cheval qui se trouve derrière nous quand on regarde la fameuse scène. On s'est fait avoir depuis le début, en fait. Tous les observateurs se sont fait avoir en regardant cette paroi comme si c'était une scène et finalement en l'encadrant dans une sorte de cadre virtuel comme un tableau de musée. C'est-à-dire en la délimitant artificiellement, en supposant a priori qu'elle s'arrêtait du côté droit avec le bison. Eh bien non, la scène, elle continue bien au-delà du cadre virtuel qu'on lui a imposé dans toutes les publications et qui est aussi le cadre des photographies et des relevés, qui sont forcément limités. La scène se poursuit et pour voir la suite de la scène, il faut se retourner complètement, regarder derrière soi et là, on voit apparaître un cheval qui réellement, lui, fait partie de la scène puisque, si scène il y a du moins, puisqu'il est réalisé avec le même pot de peinture. D'autres représentations préhistoriques pourraient-elles nous renseigner ? Les cas sont rares avec, par exemple, les peintures de la grotte de Villars en Dordogne ? Alors, comme on a pensé que cette image représentait une histoire, et donc peut-être un mythe, peut-être pas une scène réelle, mais une histoire imaginaire, on a essayé de chercher si par hasard il n'y avait pas d'autres occurrences. Et le roi Gourand, André le roi Gourand, a... penser que cette image de la grotte de Villars était un équivalent, une autre illustration du même mythe, puisqu'on y retrouve un bison et puis un anthropomorphe qui semble lui faire face. Le problème, c'est qu'à l'époque où il écrivait et à l'époque où il proposait ça, les relevés étaient quand même un petit peu approximatifs. Il y a même des gens qui ont vu que le personnage en question face au bison avait des ailes. Donc ça tombait bien parce que ça faisait le raccord avec les oiseaux de la scène précédente. Certains lui ont vu aussi une sagaie. Maintenant, avec les techniques actuelles d'analyse d'image, on s'aperçoit qu'il n'a pas d'aile du tout et qu'il n'a pas de sagaie, il est complètement désarmé, que la ressemblance se limite simplement au fait qu'il y a un bison et un anthropomorphe, c'est quand même un petit peu léger pour dire que ce serait le même mythe. Jean-Luc Lequelec, le lieu même de cette peinture peut-il avoir du sens ? Nous voici au fond de Lascaux, face à un puits. Michel Onfray y voit un axe primitif autour duquel s'organise le cosmos peint. Alors, ce qu'on peut dire en général, c'est il y a une caractéristique de l'art rupestre en général, c'est qu'il est indéplaçable et que l'endroit où il a été fait relève d'un choix et que très probablement la localisation de l'art a quelque chose à voir avec sa signification. Donc, dans ce sens-là, oui, la localisation de la scène du puits a certainement quelque chose à voir avec sa signification. Ceci dit, c'est très insuffisant comme remarque pour pouvoir retrouver la dite signification. Malheureusement. En tout cas, moi, j'aime beaucoup la thèse de Michel Joubert, du moins si elle ne dépasse pas la rêverie. Selon lui, cette scène représenterait tout simplement un rêveur et le contenu de son rêve. C'est bien. C'est très bien. Moi, j'adore. Il y a eu énormément de lectures de cette scène qui, parfois, relèvent d'une imagination absolument débridée. On se dit, mais est-ce qu'on a bien vu la même scène là ? J'ai pas l'impression. Retournons y voir parce que ce qu'il raconte, cet auteur, me semble complètement déconnecté de ce que moi j'ai vu. Et puis d'autres, comme cette citation, qui ouvre la porte de la rêverie. Et ma foi, c'est toujours très agréable. Alors, ce qui est très étonnant, intéressant, c'est que de très grands chercheurs, parfois cartésiens, sont sortis du bois pour émettre tant et tant d'hypothèses. Prenons simplement le taureau. Le taureau n'est-il pas le dieu taureau sumérien, le taureau ailé assyrien, le minotaure grec, le Zeus taureau séducteur d'Europe, le taureau égyptien, bien sûr, sous le nom d'Apis ou crétois, le veau d'or, le bœuf de la crèche, et puisqu'il est blessé, forcément, le taureau de la corrida? Oui, et la constellation du taureau, bien entendu. Comme en plus, il y a des points et des ponctuations qui peuvent être interprétés comme des étoiles si on en a envie. Pourquoi pas la constellation du taureau? Ça a été aussi évoqué. Et il y a des lectures astronomiques de la grotte de Lascaux dans son ensemble et de la scène du Puy en particulier. En fait, ces images appellent l'interprétation. Notre esprit est fait de telle manière que lorsque nous voyons une image, nous ne pouvons pas faire autre chose que de l'interpréter, même sans le vouloir, même si on essaye de se dire « Oh là là, attention, je suis en train de faire de la science, faut pas que je me laisse trop aller ». N'empêche que dans notre esprit, ça travaille et que nous avons toujours tendance à interpréter les images. Et celle-ci est vraiment, comme disait André Laura Gourand, un piège à préhistoriens trop sagaces, puisque on ne compte plus le nombre de préhistoriens qui se sont, par ailleurs, extrêmement rationnels et très sérieux dans leur travail, bien entendu, qui se sont laissés aller face à cette image, à des rêveries plus ou moins poétiques, gratuites, c'est ça, oui. Et ont oublié de passer par la case de la démonstration. Pour synthétiser toutes ces théories, ne pourrait-on pas dire, comme Wolfgang Pauli, non seulement ce n'est pas exact, mais ce n'est même pas faux? Oui, j'aime beaucoup cette phrase de Pauli parce que c'est une leçon d'épistémologie en quelques mots. C'est-à-dire, on peut bien sûr proposer mille et une interprétations, mais ce qu'il faut essayer de faire, alors il y a le droit de le faire, il y a le droit de rêver, des poèmes, il y a René Char, il y a beaucoup de poèmes qui ont été faits sur Lascaux, c'est magnifique, moi j'ai grand plaisir à lire tout ça, mais si on essaye de faire une démonstration, là c'est autre chose, si on essaye de démontrer quelque chose qui tient du sens, là c'est très difficile, et à ce moment-là, on peut prouver que c'est faux, peut-être. Mais si on est dans la poésie, simplement, on peut pas prouver qu'un poème est faux. C'est complètement, ce serait complètement absurde. Une interprétation poétique ne peut pas être fausse. Pour être du côté de la science, il faut qu'il soit possible de démontrer qu'on se trompe. Je l'ai cloqué, Alec. Tout le monde y voit une scène, donc une histoire à décrypter. Mais est-ce une scène ? Moi, j'en suis pas du tout persuadé. Alors, je sais que je suis un petit peu minoritaire dans cet avis, mais moi, je suis vraiment pas du tout persuadé qu'il y ait des scènes dans l'art des cavernes. J'admets que cet ensemble-là, c'est vraiment celui qui a été le plus souvent considéré comme relevant de ce qu'on peut appeler une scène. Qu'il y en a quelques autres, à la grotte Chauvet, par exemple, il y a quelques images qui ont été également interprétées comme une scène, avec des arguments qui sont tout à fait sérieux, mais qui, pour moi, ne sont pas entièrement convaincants. Jean-Luc Lequel, avec une dernière question. Le problème ne vient-il pas de nous, puisque dès que nous voyons quelque chose, nous ne pouvons pas nous empêcher d'interpréter des images et en créer un récit? Oui, bien sûr. Et de fait, il n'y a pas d'image sans récit, peut-on dire. Donc, quand nous sommes face à des images muettes, comme celle des grottes, eh bien, notre tendance, c'est de reconstituer mentalement le récit qui, peut-être, les aurait accompagnés un jour. Jean-Luc Lequelec, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, L'homme de Lascaux et l'énigme du Puy, publié chez Totem. Carbone 14 était réalisé par Félicie Fogère, à la technique Bruno Mourland, et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.